Le climat. Les climats dans le monde. Les climats chauds. Les types de climats chauds. Le climat équatorial, avec des températures chaudes toute l'année, environ 27 degrés, des précipitations abondantes toute l'année, supérieures à 2000 mm, et sa végétation est composée de forêts denses, humides et toujours vertes. Le climat tropical, avec des températures chaudes toute l'année, environ 25 degrés, avec des précipitations divisées en deux saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Son type de végétation est la savane et les forêts peu denses. Le climat désertique, avec des températures chaudes toute l'année, grande amplitude thermique entre le jour et la nuit, il y a très peu de précipitations, il n'y a pas de végétation sauf dans les oasis ou les ouèdes. Les différents climats tempérés. Le climat méditerranéen, avec des étés chauds et des hivers doux, avec des précipitations abondantes en automne. Sa végétation est composée de garrigues et de maquis. Le climat océanique, avec des températures douces en hiver et fraîches en été, avec des pluies fines et persistantes presque toute l'année. Sa végétation est composée de forêts d'arbres à feuilles caduques. Le climat continental, avec des étés chauds et orageux, des hivers froids, souvent enneigés. Il y a peu de précipitations, sauf en été. Sa végétation est composée au nord de la taïga et au sud de la prairie. Les différents types de climat froid. Le climat montagnard, avec des températures diverses selon la latitude, mais froides en général. Il y a des précipitations abondantes, de la pluie et de la neige. Sa végétation dépend de l'altitude, avec des neiges éternelles en altitude. Le climat polaire, avec des températures froides toute l'année, inférieures à 0 degré, des précipitations très rares, et une végétation composée essentiellement de la toundra.